ni Belle, ni Vigira. Eric Wiman assure la mise en onde. Bonsoir amis auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette grande édition de la soirée de ce jeudi 27 mai 2021. D'abord les grands titres. Réouverture depuis le 1er juin prochain du poste frontalier de Gatumba. Ce ministre de la Santé publique, vice-président du comité national chargé de lutte contre la contamination et propagation de la COVID-19 qui vient de l'annoncer. Grande satisfaction pour les commerçants transfrontaliers qui passent par Gatumba, vous l'entendrez. Interdiction stricte au comité mixte de sécurité en province et Kirundo de s'immiscer dans les affaires policières et judiciaires. C'est ce qui ressort d'une réunion de sécurité tenue ce jeudi au chef-lieu de la province Kirundo et le vice-président de la République recommande aux fournisseurs de la connexion Internet de servir une connexion de qualité. C'était ce jeudi lors de la célébration de la Journée internationale de la télécommunication. Vous entendrez également les doléances des responsables et des compagnies de télécommunication. Voilà pour l'essentiel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir. La Commission nationale des terres et autres biens, CNTB, appelle les parties qui l'ont saisie à récupérer les jugements rendus. Elle trouve qu'il y a ceux qui ne le font pas, croyant que la Commission est à la fin de son mandat. Dieudonné Mbonima, porte-parole de la CNTB, s'est exprimé ce jeudi à Gitega dans une conférence de presse. Suivez-le. Il est au micro d'Arthur Kavabushi. Il y a des gens qui lancent des messages sur les réseaux sociaux, appelant les partis de venir saisir la Commission nationale des terres et autres biens pour que les biens ne soient pas saisis. Je peux dire que peut-être que ces personnes-là ont répondu à l'appel lancé par la Commission nationale des terres et autres biens, parce que dans la loi registrée à la Commission nationale des terres et autres biens, il y a un article qui a stipulé que depuis le 13 mars 2021, la Commission nationale des terres et autres biens ne va plus recevoir les nouvelles plaintes parce que c'était la date butoir pour ne pas continuer à recevoir les parties en conflit. Aujourd'hui, nous avons clôturé, depuis le 13 mars 2021, de recevoir de nouvelles plaintes. Nous avons fait des communications pour appeler les parties qu'ils viennent saisir la Commission nationale des terres et autres biens. Et nous avons vu une masse de population qui est venue saisir la Commission nationale des terres et autres biens. Parce que la communication que nous avons faite en décembre, dans les 2 mois seulement, nous avons reçu plus de 4000 plaintes au niveau de la Commission nationale des terres et autres biens. Ce qui a poussé à ce que les statistiques s'élèvent de 21 000 litiges à 25 000 litiges. Aujourd'hui, nous enregistrons plus de 25 000 litiges dus à cet appel lancé pour que les gens viennent saisir la Commission nationale des terres et autres biens. Aujourd'hui, donc, nous aussi nous lançons un appel vibrant aux partis qui ont saisi la Commission nationale des terres et autres biens de toujours récupérer les invitations pour être auditionnés et aussi récupérer les décisions prises, parce que nous avons vu des gens qui traînent, des gens qui résistent à la récupération des décisions prises parce que ils savent très bien qu'on va exécuter les décisions. Ils le font pour faire ralentir et traîner l'exécution des dossiers au sein de la Commission nationale des terres et autres biens. Nous lançons un appel pour que celui qui se sent lésé de la décision prise et qu'il saisisse les instances habilitées pour qu'il soit jugé conformément à la loi. Parce qu'il y a décision de la Commission nationale des terres et autres biens est prise au sein de la délégation provinciale. Une partie qui s'estime lésée de la décision prise au sein de la délégation provinciale, il n'a qu'à saisir la sous-commission de recours. La sous-commission de recours fait aussi des enquêtes complémentaires. Après la décision, une partie qui se sent lésée doit introduire sa plainte ou saisir la Cour spéciale des terres et autres biens pour être jugée. Je vous l'avais dit en titre, les comités mixtes de sécurité en province Kirundo sont demandés de ne plus s'immiscer dans les activités de la police, ni de frapper ou de s'approprier des affaires des présumés malfaiteurs. Cela a été dit dans la réunion de sécurité qui s'est tenue ce jeudi au chef-lieu de la province Kirundo, où certains chefs de colline qui se sont permis d'incarcérer des gens ont été mis en garde. Cette réunion a été tenue par la délégation du Conseil national de sécurité à Boron Safari. L'objectif de cette réunion de sécurité qui s'est déroulée au chef-lieu de la province de Kirundo est d'éveiller la population de cette province, spécialement ceux des comités mixtes de sécurité, à renforcer le maintien de la paix. Le colonel Nzissabira Pierre Claver, secrétaire permanent au sein du Conseil national de sécurité, a demandé à la population de la province de Kirundo de bien surveiller les mouvements de va-et-vient, surtout que la province de Kirundo est frontalière dans notre pays. Pour l'ambassadeur Sylvestre Marora, un des conférenciers, il a demandé au chef des collines de protéger tout le monde, sans exception, car s'il y a une partie qui fouille le pays vers les autres pays étrangers, cette autorité ne méritait pas cette place. Quant à Liévin Nyokindi du ministère de l'Intérieur, la sécurité et le développement communal, compte tenu de ce qu'il a entendu dans les communes de Busoni et Bgambarangwe, il a demandé au comité mixte de sécurité d'éviter à s'immiscer aux activités policières ou en frappant les suspects comme étant déjà des malfaiteurs, ni de les ôter de ce qu'ils ont dans leur poche. Pour les chefs de colline qui se sont donné autorisation d'incarcérer les suspects malfaiteurs, Liévin Nyokindi les a mis en garde que plutôt cette tâche est réservée aux officiers de police judiciaire. Dans les interventions, le président du parti CNL à Kirundo, Anatole Karorero, a indiqué que la mise en place des comités mixtes de sécurité se fait des fois à leur insu. Ici, l'ambassadeur Sylvestre Marora lui a dit que certains membres de l'opposition s'écartent de ces activités comme étant du parti au pouvoir, mais qu'il faut plutôt conscientiser ses membres à adhérer dans ces comités mixtes de sécurité. Eric Ngragutabara, secrétaire provincial du parti UPRONA, lui a demandé le sort des gens qui sont à la base de la dislocation des partis politiques. Ici, on lui a répondu que toute personne a le droit de changer son appartenance et que ces genres de conflits au sein des partis politiques ont existé depuis longtemps. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Marquons une pause et puis parlons santé. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. L'essentiel, à 18h08 dans les studios de radio Isanganiro, le gouvernement du Burundi annonce la réouverture de la frontière de Gatumba dès le 1er juin prochain. Après une descente effectuée sur ce poste frontalier par 5 ministres du gouvernement l'après-midi de ce jeudi, le vice-président du comité chargé de lutte contre la contamination et la propagation de la COVID-19 a précisé que les passagers doivent passer un test COVID-19. Dr Tade Ndikumana ajoute que pour d'autres frontières comme Kanyaruho, il faut attendre le point avec Moïse Misako. Abriter les prestataires de soins à ce poste frontalier répondent aux normes exigées par l'Organisation mondiale de la santé. Le dispositif paré de dépistage de COVID-19 va être installé à d'autres postes frontaliers, dont Mugina de la province Makamba. Le vice-président du comité chargé de lutter contre la propagation et la contamination du COVID-19 au Burundi, Dr Tade Ndikumana, annonce la réouverture de la frontière Gatumba le 1er juin prochain. Les bâtiments répondent aux normes et cela permettra à ce que les prestataires de soins et travaillent dans de bonnes conditions pour permettre à ce que nos voisins congolais et les Burundais qui font le commerce à travers les postes frontaliers de Gatumba puissent aller et revenir sans problème et tout en préservant la santé de la population burundaise. Donc nous avons vu que ces bâtiments pourront aussi être installés à Mugina dans la province de Makamba mais aussi à Kobero. Actuellement on utilise des tentes qui sont endommageables facilement. Donc, après avoir constaté l'état d'avancement, le comité national a jugé bon qu'on puisse rouvrir ce poste frontalier à partir du 1er juin, c'est-à-dire la semaine prochaine. Des commerçants transfrontaliers qui passent par la frontière de Gatumba se réjouissent, espérant que leurs activités vont redémarrer. Quant aux autres postes frontaliers comme au Kanyaru, le vice-président de ce comité précise que l'expérience des postes qui seront déjà rouverts va déterminer la décision à prendre. On compte toujours se réunir au niveau du comité national, mais pour le moment, nous avons décidé de commencer par les postes frontaliers de Kobero et de Mugina. Les autres postes frontaliers restent pour le moment fermés, mais chemin faisant, Et nous allons voir comment, avec toute l'expérience qu'on aura acquise ici au poste frontalier de Gatumba et les autres trois postes, que ce soit l'aéroport international de Bujumbura, Kobero et Mugina, on pourra voir comment ouvrir d'autres postes frontaliers, que ce soit à Ruhwa ou dans d'autres postes frontaliers. Ce site, qui a une capacité de 60 personnes, est composé d'un centre de triage et un bâtiment administratif. Toute la population qui va entrer par ce poste frontalier doit bénéficier d'un test rapide. Merci Moïse Misago. Il faut ajouter que ce poste frontalier est fermé depuis janvier 2021. Les confessions religieuses sont appelées à sensibiliser les fidèles au strict respect des mesures barrières au COVID-19. Cet appel est de l'association Population Media Center lors d'un atelier organisé à l'intention des responsables religieux ce jeudi. Jean Bosco Ndaishimi, représentant résident de PMC, explique que le choix de ces leaders religieux est lié au fait que leur voix porte loin. Les participants dans cet atelier de réflexion disent qu'ils sont prêts à transmettre ce message au maire Douayou. Autour d'un débat sur le strict respect des mesures barrières au COVID-19, près de 50 représentants de différentes confessions religieuses de la mairie de Bujumbura ont été réunis par l'association Population Media Center dans un atelier de réflexion. Jean Bosco Ndaishimiye, représentant de PMC, dit qu'on a choisi ces leaders religieux car leur voix porte loin. On a ciblé ce groupe-là parce qu'ils ont une voix qui porte très loin auprès de leurs fidèles et nous sommes très convaincus que ce que prêtre, ce que révérend pasteur ou chef prononce au milieu de ses fidèles, ce message-là a beaucoup de poids, a beaucoup de chances d'être accepté et beaucoup de chances de toucher beaucoup de fidèles. Les participants signalent que l'atelier leur est devenu bénéfique. Chima et Marie-Louise de l'église adventiste du 7e jour fait savoir qu'on va renforcer les sensibilisations aux fidèles. Nous avons un département de santé. Même les livres qu'on utilise tous les sabbats donnent des conseils. Il y a une page ou deux où se trouvent des conseils aux membres de l'église. Tous les sabbats, on lit ces conseils afin de gagner la bonne santé. De l'autre côté, Cheikh Haruna Kigabiro, qui a représenté la confession musulmane, signale que le rapprochement des fidèles lors de la prière est un commandement de Dieu, mais qu'ils vont interpeller les fidèles à changer la mentalité en cette période exceptionnelle de la pandémie. Lors de la prière, nous les musulmans avons une obligation de nous rapprocher. C'est un commandement de Dieu, mais en cas d'exception, comme dans cette période de pandémie, la distanciation devient acceptable. Il faut que nous nous séparions pour éviter la propagation de la COVID-19. Nous comptons communiquer à tous nos fidèles que la mesure de distanciation est de rigueur dans tous les mosquées. Cela alors que le ministère ayant la santé dans ses attributions signale 6 morts victimes de COVID-19 jusqu'au 13 mai 2021. Merci au maire Douayou. Les responsables des compagnies de télécommunications sont appelés à accroître la qualité de la connexion dans le but de faciliter la tâche aux internautes. Propos de Prosper Banzombanza, vice-président de la République, lors de la célébration de la Journée internationale de la télécommunication. Les responsables de ces compagnies de la télécommunication demandent au gouvernement de réduire les taxes afin qu'ils puissent facilement importer les équipements de télécommunication. Les détails avec Jean de Dieu Iracote. Lors de la célébration de la Journée internationale de télécommunication, Melchia Denzofabarouché, directeur général adjoint de Viettel Burundi, a signalé que l'accès aux devises pour les opérateurs dans le secteur de télécommunication est très difficile. Il demande au gouvernement de réduire les taxes pour faciliter l'importation des outils de télécommunication. Vous savez, pour investir dans ce secteur, il faut importer du matériel. L'accès à des devises dans ce pays pose un problème aux opérateurs. Ils ne savent plus comment étendre leurs investissements parce qu'ils ne savent pas avoir les devises qui leur permettent de continuer à importer les outils, le matériel, les machines pour pouvoir effectivement militer ou pour pouvoir continuer à investir dans ce secteur. Nous demandons au gouvernement, au même titre qu'il a fait pour le carburant, pour les produits pharmaceutiques, que l'investissement dans ce secteur soit une priorité au niveau de l'accès aux devises pour permettre aux investissements dans l'avenir. À cela, Prosper Bazombanza, vice-président de la République du Burundi, fait savoir que cette question sera analysée par les instances habilitées. C'est une question de priorisation et je pense que des solutions appropriées pourront être trouvées. Et cela va dans le même sens que la détaxation des terminaux, au niveau de la population, c'est relativement celui que vous connaissez. Et aussi, je pense que c'est plus aussi une question de sensibilisation. Pierre Ndouayo, président de l'Association des consommateurs, soulève les doutes liés au faible niveau de la connectivité de l'Internet durant nos jours. Si cette vitesse de connectivité reste aussi rapide qu'elle est aujourd'hui, nous nous posons des questions de savoir si nous augmentons l'ouverture de la population dans le cadre de réduire justement la fracture numérique. Avec cette vitesse, est-ce que nous n'allons pas aller dans des situations d'utilisation très très difficiles? Le vice-président de la République du Burundi, Prosper Bazombanza, demande aux responsables des compagnies de télécommunications de se saisir en fait de fournir l'Internet rapide. La journée internationale de télécommunications est célébrée chaque année le 17 mai. Le thème de cette journée, édition 2021, est, je cite, « Accélérer la transformation numérique ». Jean de Dieu, Irakoudzi. Enfin, parlons salubrité. Certains des habitants de la zone Kanyosha, là nous sommes au sud de la capitale économique, Bujumbura, ont préféré utiliser les déchets ménagers comme engrais dans leurs champs. Ces habitants indiquent que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé de diminuer ces déchets qui sont jetés auprès de leurs champs. L'administration municipale de Bujumbura dit qu'elle est en train d'échanger avec les services techniques et dans d'autres sociétés afin de trouver une solution à la question des immondices déposées à Buterere près des maisons d'habitation. Commissaire de police Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, réagit après les plaintes des habitants de cette zone gênée par ces immondices et qui craignent des maladies de manque d'hygiène. Suivez plutôt commissaire de police Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, au micro de Jean-Marie Mayonga. La situation est critique au niveau de Buterere. Les immondices sont jetés partout alors qu'il y a une décharge qui doit contenir tous ces déchets. C'est vrai, cette question elle est connue à notre niveau. Nous allons nous organiser dans un proche avenir avec les services techniques, notamment les services de l'Ubuha, aussi avec l'agence burundaise des routes, avec le service génie FDN pour voir comment on va d'abord tracer la route. Mais dans un premier temps, nous allons faire une descente ensemble, une descente conjointe avec tous les services précités afin de nous acquérir de la situation. Après cette descente, nous allons décider finalement s'il faut tracer une route qui mène vers la décharge. Comme ça, il n'y aura plus d'explication. Voilà, ce n'est pas praticable. Comme ça, tous les déchets qui vont être transportés par les camions seront déposés dans cette de charges. On ne l'a pas encore fait parce que, vous savez, Buterere, c'est une zone marécageuse. Alors, pendant la saison de pluie, il est quasi difficile d'y accéder. Alors, c'est pour cette raison, avec cette saison de sèche qui s'annonce, nous allons tracer une route, les déchets seront bel et bien déposés. Comme ça, les paisibles citoyens seront très à l'aise avec la praticabilité de la décharge. Le ministère en charge de l'environnement avait octroyé à la mairie une décharge, mais malheureusement, qui est située dans un endroit difficilement praticable. C'est pour cette raison que les gens qui doivent aller déposer les immondices de l'autre côté, se sont dit on perd beaucoup de temps, ce n'est pas pratique, c'est très loin. Toutes ces raisons ont fait qu'ils s'abstiennent pour fréquenter cette décharge qui est régulièrement connue, qui a été régulièrement donnée par le ministère en charge de l'environnement. Jimmy Hatungimana, il est patron de la mairie de Bujumbura. Et bien voilà, à 18h20, et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la soirée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana qui l'a mise en onde. Eddie Nibel Nibigira, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve à 22h pour une autre édition de la soirée.